nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué. On en est à la mission 411. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Ah, aujourd'hui, c'est un peu une surprise. C'est un mot qui n'est ni français ni breton. C'est un mot latin au départ, mais qu'on emploie aussi bien en français qu'en breton. Ça pourrait être une question, hein. Une devinette. C'est le mot domino. Domino. Alors, domino, en fait, ça vient du latin. Hein. D'ailleurs, par exemple, on trouve ça dans les psaumes, hein, Dixi dominum domino meo, Dixi dominus domino meo, hein, puisqu'il y a des déclinaisons en latin. Et donc, l'un des cas, c'est domino. Alors, on peut se demander quel rapport il y a entre le latin qui désigne Dieu, en fait. Et le jeu. Et le jeu. Alors, c'est une évolution. En fait, il y a eu un vêtement ecclésiastique au Moyen-Âge qui s'appelait le domino, qui était un manteau avec un capuchon que les prêtres mettaient pendant l'hiver quand il faisait très froid pour se rendre à l'église. Et par la suite, c'est devenu un vêtement de bal, hein, de bal masqué. Donc, justement, qui permettait d'avoir un capuchon qui couvrait une partie du visage. Et comme ça, on mettait un masque, ouais. Et on nous reconnaissait. Voilà. Et alors, oui, parce qu'on mettait un loup en même temps. Mmh. Oui. Et alors, par la suite, quand on a créé les dominos, d'ailleurs, un jeu qu'on trouve sous différentes formes dans le monde, hein, quand on a créé les dominos, on a, étant donné qu'ils étaient bicolores, ça ressemblait un peu à cet habit de moine et on a pris ce nom-là, quoi. Voilà. Et puis c'est un jeu qui s'est répandu un petit peu partout dans l'Europe et qu'on trouve bien sûr en Bretagne. Alors les dominos, le principe est bien connu de tout le monde. Hein. C'est donc un petit parallélépipède rectangle, hein, qui donc avec deux extrémités. Portant des points, hein, donc de 0 à 6. Ce qui fait que si on fait le calcul pour des combinaisons possibles, ça fait 28 combinaisons possibles. Mm-hmm. Donc dans un jeu de domino, il y a 28 pièces. Alors c'est un jeu qui s'est répandu et qui est arrivé en Bretagne, mais assez tardivement en fait. Alors il y avait une chanson Marthe Lodiaung où on disait Pewadeb do Gwoyou dans la rue Matien tant Himme hou le garto vit en divertissant. Donc quand la première fournée a mangé le repas, donc le nouvel arrivant qui est en fait le premier mari de la jeune fille, hein, 7 ans auparavant. Demande les cartes pour se divertir, quoi. Puis on dit, mais d'où y'a eu grande rue, ma tchintan, et me hull the heart au vin en divertissant. Et alors, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a ajouté, et me hull the heart au agen domino yo. Ou pien domino yo, quoi. Et alors, j'avais une tante qui chantait cette chanson-là, et à chaque fois qu'elle entendait dire ça, elle disait, mais wak domino yo. De hull the wak domino yo. À cette époque-là. Mais c'est quelque chose qui avait été rajouté, quoi. Alors quand j'entends cette chanson-là dans un fest-noz, par exemple, parce que c'est très chanté, hein, Marthe Lodiaung, j'écoute toujours pour voir si les dominos vont sortir. Et en général, ils sortent. Hein. Pratiquement tout le monde a adopté la version avec les dominos. Quoi. Alors ce jeu de dominos a été un moment très populaire. Hein. J'ai vu l'autre jour que le club des anciens de Plounévezel s'appelait les dominos. Donc c'était un jeu qui a été très populaire et qui est resté dans le Léon. Dans le Léon, il y a encore beaucoup de concours de dominos. Ailleurs, il a plus ou moins disparu. Hein. Il a été remplacé par des cartes, par toutes sortes de choses. Et également par d'autres versions, comme le triomino, par exemple, hein, qui est une version à trois chiffres. Hein. Que tu préfères en rien. Oui, que j'aime bien, oui, je trouve ça assez agréable. Oui. Et donc voilà. Alors, il y a plein de choses à dire sur les dominos. Hein. parce que il y avait par exemple des noms pour certains dominos. Par exemple, Maijande, c'est le double 6. Et je crois que c'est encore utilisé dans le Léon. On dit toujours Maijande pour le double 6. Et puis voilà, il y aurait des recherches à faire sur l'ethnologie du domino, quoi. Alors on parle aussi de l'effet domino, hein, qui est symbolisé par des dominos là, placés verticalement, et on arrive à faire des choses assez extraordinaires. Ouais. Aussi il y a des concours. À propager. Alors là, il faut plus que 28. Hein. On peut en mettre énormément, hein, et le mouvement se propage. Le mouvement donné au premier se propage. Hein. Et d'ailleurs, c'est l'effet domino, on en parle en écologie, hein. C'est-à-dire une petite modification qui entraîne des conséquences importantes. Voilà. Alors, il y a aussi la dominoterie, hein, qui est toute l'industrie qui consiste à faire des cartons de jeux, par exemple des cartons de loto, des cartons pour les petits chevaux, pour jouer aux dames, hein. Donc un peu sous cet artisanat, hein, qui de jeux comme ça, quoi. Et bien sûr la fabrication des dominos. Alors il y a plein de types de dominos. On a utilisé pas mal de matières, hein. Ça peut être en bois, ça peut être en ivoire. À un moment donné c'était en ivoire, maintenant c'est interdit l'ivoire. Mm-hmm. Hein. Le commerce de l'ivoire est interdit, mais la corne aussi, voilà. Bon, on a fait un petit tour au pays des dominos, dominoyo. Alors c'est un mot qui s'est très bien intégré dans la langue bretonne, hein, puisque voilà, il y a un pluriel, hein, pluriel régulier, dominoyo. Voilà. Mais de huls guegel wak dominoyo. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission. Brezonek t'en m'attend. Dominoyo. Deuxième partie d'émission, Brezonek t'en m'attend. Oui, alors aujourd'hui, on va pas aller à Zantol, qu'on retournera bientôt. Mais là, j'avais parlé un petit peu des années en 14, hein, du mot Pevarzeg, hein, qui est 14, qu'on prononce nous Perzeg. Hein. Et bon, on avait vu un petit peu quelques anecdotes concernant 1514, 1614, 1714, 1814. Et donc, on arrive, bien sûr, à l'année 1914. Alors, l'année 1914, évidemment, tout de suite, quand on pense tout de suite à la guerre, hein, puisque c'est le début de la Grande Guerre, hein, comme on dit, la Première Guerre mondiale. Donc, j'avais parlé la dernière fois de Père Jacques Zélias, hein, donc qui était né en 1914, hein, au mois de février 1914, et donc, et qui a couvert le siècle, hein, puisqu'il... Il est décédé en 1995, hein. Donc une bonne partie du siècle. Et donc il a écrit des choses intéressantes, hein. Donc on a déjà parlé de ça. Alors la guerre de 14, c'est un événement tout à fait considérable, hein, en particulier bon pour toute l'Europe, hein, et puis pour la Bretagne aussi, quoi, puisque ça a été une hécatombe extraordinaire. Et alors cette année, on va, comme on arrive en 2014, on va entendre il y aura beaucoup de commémorations, beaucoup de discours là-dessus, quoi. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que finalement, tout ce qu'on raconte sur la guerre 14, c'est des choses très descriptives, hein, on raconte ce qui s'est passé, quoi. Mais sur l'interprétation des faits, il y a très très peu de choses, quoi. Et je pense que cette année, ça ne va pas changer beaucoup, hein. Il va y avoir beaucoup de descriptions de ce qui s'est passé, bon, la guerre des tranchées, tout ça, comment ça s'est passé, et puis les massacres, mais il y aura très peu d'analyse certainement, parce que analyser ce qui s'est passé, ça remet en cause beaucoup de choses. Par exemple, les États-nations, qui sont la cause de la guerre 14, en fait, c'est-à-dire cette exaltation du patriotisme, même du nationalisme, hein, qui a entraîné la guerre de 1914 et qui aujourd'hui agit toujours, empêchant par exemple la construction d'une Europe unie. L'Europe n'arrive pas à se faire parce qu'on est resté dans les États-nations du 19e siècle. Alors, donc je dis, il y a très peu de choses qui ont été écrites sur ce sujet-là. Il y a quand même un excellent travail qui a été fait il y a quelques années par le musée de l'éducation à Saint-Nicolas, à Botoa. Donc en fait, c'est Anna et Michel Soyer qui ont écrit un ouvrage très très documenté qui montre justement cette déclaration de guerre de 1914, elle a été préparée pratiquement depuis la guerre de 70. Donc la guerre de 70 avait vu la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Et donc, pendant 40 ans, on a préparé la guerre. Alors il y a un adage latin qui dit « Civis pacem, para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Qui, à mon avis, est complètement faux. Parce qu'en fait, quand on prépare la guerre, on finit par la faire. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une accumulation. On a préparé. Et le petit livre en question, là, qui s'appelle « Tu seras soldat », explique comment, en particulier, à l'école, on a préparé les esprits à la guerre, quoi. Hein, c'est-à-dire... Et ça a été vraiment une longue évolution vers la guerre, si bien que en fait la guerre est arrivée presque naturellement. C'est pas un coup d'orage dans un ciel serein comme certains l'ont écrit. C'était quelque chose de parfaitement programmé et qui devait inévitablement arriver. Alors il y a eu bien sûr quelques pacifistes, hein. Mais dans l'ensemble, la classe politique a été toute gauche et droite confondue, a été totalement aveuglée par le nationalisme, et on a eu cette déclaration de guerre. Et puis la suite, on la connaît, ce massacre épouvantable. Hein, on voit par exemple dans une commune comme Pemrite ici 40 morts. Hein. C'est-à-dire à peu près tous les jeunes hommes ont été tués à la guerre. Donc après la guerre, il ne restait plus que des veuves, des enfants en bas âge, et puis des hommes qui d'ailleurs souvent ont épousé les veuves qui restaient, quoi. Voilà. Et alors donc une préparation qui a abouti à ça. Alors oui, je disais, il y a eu quelques pacifistes. Hein, le plus célèbre, c'est Jean Jaurès, hein, qui est mort, qui a été assassiné en 1914, deux jours avant la déclaration de guerre, et qui lui a été un précurseur à des tas de titres, puisque il était pour la réconciliation franco-allemande, c'est-à-dire qu'il avait 50 ans d'avance, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Malheureusement, mais de toute façon, il n'aurait rien pu faire, mais enfin, il fait partie de ces gens qui ont essayé, hein, il y a eu des gens quand même qui étaient lucides et qui ont essayé d'empêcher ce massacre, quoi. Voilà. Alors, il y a sur bon, cette année, de temps en temps, on parlera de choses qui ont trait à la guerre 14. Par exemple, après la guerre 14, il y a eu l'apparition des monuments aux morts. Hein, pour les autres guerres, il n'y avait jamais eu de monuments aux morts comme ça. Et il y a eu l'apparition des monuments aux morts, et puis l'apparition d'une histoire officielle qui expliquait le conflit. Enfin, ça, ce sera pour plus tard, on en parlera de temps en temps. Voilà, c'est assez pour aujourd'hui. Très bien, on passe à la dernière partie d'émission, Petra Zonevi-Hervault. Troisième partie d'émission, Petra Zonevi-Hervault, Eri. Ben, Calze Drau Zonevi-Hervault, Boer Vejdiouzon, Krogom de Diantan, ma Peswan, Evelkis Acustum, Grandala Bourdoua, Agevu et War Armez. Eruon Bremen, ma Kreis de Gouan, Betak Bremen, Nekebe Drester de Gouan, Nekebe Riyin, Bon Dours au Bed, hein, Dour Braz, hein, l'air même, ce, l'air Yozo. Hag avel grein, met bet a bremen neus ke bet ne ke bet reyin en amzor. Met evel juz ne ke tram de roas, hein, ur gwan, pudur pe vek a tram. Pe vek a tramen de ur mis huir, vek a moyen de l'art, pe sa mod ebet a gwan. Kom ze ve aliz de ur mar eman de ze lez, pudur benefin lez o e bouiz vid de la obrodour, a dreistol breizam, breizam, hag pe soroaz babla de zon, pas babla perzeg me babla pemzeg e vo echud gant e hot aio. Di diouz an deus mis meurs da ouvil pemzeg ne vo ke kot aio tin. A setu kaz e dud zo klas ka pe sa mod ober evit tram en draze. Pe sa mod vo kont, den be noar res kler pe sa mod vo kont. Bon, kom ze ve kaz de se. Bon, ba... Ba, ba, bla, d'auville trise, gebe de, pour boire un trou, vide, vide l'aise, prise au chambre de madoir. Mais de, asez-vous que, ne veux que guard à de quoi le guerre, pis sa mot de vos comptes, pis vos, échus, grand, rotaillot. Hendel, bon, boué, bla, d'auville, et digresse que de, n'hiver un zout, zout l'aise, même un mestra, ne ce que bé de, n'est que de, ne ce que bé digresse que war, war l'aise, ma peçon, chambezo, l'aise bopet. C'est plus dur, zau brodu à mur l'aise, hein, vide, vide babla d'auville. Bon. Hag, bon, ba, breiz m'emmestras au chombe de, tient en rand vroz au breiz, brohal, pélarimod, brovrans, vide l'aise, hein, plus dur, spenug un dragon de ze l'aise, les produits dans me. Hag, bon, pévécombe ze de l'aise, was, War a bit, so ez am lez, hein, pu dur, vide, vide un dut, vide ur vugal, vide morgan un dut, hag da skwer, ba bro China, man klas ke lez, pu dur, nun ket lez war, pe tra man, ne ke mad war a lez ve produ de bro China, ou be an traouz, ou be kom ze de zi. A setu bremen, bon e lance de, ou a lance war en ton braz, en deel, un usin ur stal lez, ba, ba karez. Grand très très sodial à sinutra que assez vos cassettes on tend mal de se laisse produire de braise vos cassettes de babig ou brochina bon quoi l'êtes vous hein pesamo de vos comptes quand vous mais de zurs aux rives en blaise ou à rabide Hendel, ne ce que quoi le belzos au bid comme vous êtes de se laisser vite d'azon de l'arbre d'ouar zo be tramen ba gammen deputet, met ba media yo neus ke be komz o kalz de se, vi jonj e adin vi je be komz o kalz de se, met benefin bon neus ke be de kalz o drouz war se, hag baguire ou à médiaio ou à occupe de Bahamar et dans Trowell, un grand Trojouker, un autre président d'un Trojouis, quoi. Ah, c'est-tu bon de ce que Bécombe se calse aussi. À Gouscoute et Potiès ministre, l'arbre d'ouar, Stéphane Orvol, de ce point yet, vie de Zével le lesen, ça, hag vilaka de Kazoarog, un agroécologie, de l'arrêté, de l'arrêté d'un trou de glotte à traîner écologie, à gagner économie. Mais de bonnes couilles des balomars et val, vite grande brudère, puis yo, ouatro, elle. Ma treizaine, un débenec, vos combes, un mur de zé. Et d'elle, war politique erès, autant votre trou de l'arrêt, de ce que wal belzo, mischienne, var, asé, ouais, velide de Hunter Kahn, la NUDB, ma treize une peu clé de mon abras au comte de C, quand Jean-Pierre, hein. Puis, on rentre quand l'assaut, à Bécrou et de NUDB. Hag, bonne, vraiment, zone betude de zone UDB, à zobé d'Hilène, d'un, velmon abras, justement. Hag, Pesso, ma treize une de ce que bête calze d'Hilène, de zone UDB, mais, menosio, me mestra, zotre amenet, hein. Quand par, Stroladouel. Bon Hendel, puis vous comme vous êtes politiquer, vous avez juste, tostara, votade, vie de parousio, puis on vous grèze, mismeurs, un triwarnug de smismeurs, hag un trégonde de smismeurs, ou à l'air, vie de ré, non que tram de norvège chantant, hag bon, vous clé, comme ce casse de ces, heurmar aimant, on ne bat de mer, changement de vous, un peu dur, zo, on ne bat de mer, ou, un inque honte de tchin, ou un rink, d'ascouir, vro, en meso, locarne, plijdi, purud, duat, buat, hein, zira, on ne bat mal de mer, ou même stra, zo, honte cuit, pe, chomba hon, saïd, mais hé, boulmer, c'est tu vos mer, ou neve, penou neve, de velet, hag gwell vo pesamo de vos kon. Un DL, moi, comme je tar, evel juste de Pierre-Jacques Elias, cleven meuse vos grèdes au lever neve hoas, war Jacques Elias prestik, hag non le lever zeus au Pierre-Jacques Elias be à jour. Hag meusant vous une bande de grande M Globrise. Bon. Dès le remontant, n'a rien war dash en zévena dur, plus dur. Quand se trouve une bande, hein, quasi war revêt je mise, ve une bande d'un drabe naked war identité lesbraise. Hag zisk, pis sa mode, me mestra, et strafuille de vretonne, d'ovelle, Et sa mode ve casse fal un trou, videyez, hag videz evenadur, hein. Hag bonne case vrai ton de zo storm vise, mais t'as vraiment échomme d'y effet du soir, storms. D'asquir, ne ce que gual belzo, zo bedim bonne do lever, gan Jan Vickel le boulanger, zo ey président Ranvo Brace, une carte de ze evenadur. Hag lever ze, zo scrive din galak, zo, être breton, gant pik, goulene ma peçoan, être breton, hein, ouais. On tombe vel ni oa gred, morvan le besque, hein, peni oa scrive di lever, hein, comment peut-on être breton? Zezo, spend de hugen lasso, mais benefine, et mameuse trouve et radkav, hein, de hugen, là où a l'air. Hag bon, un autre ou le boulanger, bon, ne se responte de Hervé Pese Jonge, hag un deuxième bon de Levers banim bon à Durio Palatine, coustera, trioro Warnug de Lever. Hag Caradine et Lever à Zomot de Lena. Bon, et Hendel, Hendel zobé d'imban de calz leverio, hein, donc vicomte de cet août, qu'a réhir ve fait bien beron. Un DL, moi, comme je tarde de ce whisky brace, puis du Brommen Vegret de whisky à Braise, avec le Strolade dans le lac Assembles, vide Bruderes, vide whisky Braise. Hein. Bon, vite à Brommen Vegret de Muir Lambic de whisky à Braise, mais ma trezen Brommen vos guides Muir Tamatam Muir whisky. Bon, comme je vais à Lise, un bon témoin comme de Scaré, là, comme je vais à Lise de Scaré Cause, hein, Vigégré de Borgium, avec Hervé Meusclève de Vaugred, à Meusgueledouard, Gazetenu, Zo Rac 13, et vide Ober, Or Greisen, et vide Disoloïne, puis sa mot de Wa, Thier, Borgium, Gogelgos, avec Bonzi, VFB Mode, vide vite tu d'en vro, on a un vide réseau de l'Erhel de Zizolo et d'en vro, hein, puis je vais guette touriste de ça. Gualbich qui est un nom de touriste, mais disme vela bopet. Puis ça m'a de l'arfendar was, de ce que Gualbelzo, wabé de lead de war un ton de bronze, quand Hunter quand la, Pont de Bras au bas Montourles, hag, his, viaduc Montourles, oa begret, pe oa begret, nen tour, vi mont de Sparis de Vreiz, a c'est tu oa be de lid de oa un ton de bras, un dé a blaz, un dé oa l'air oa be ba, d'ur buzz, ba, ba Montourles, mais, zézo au gondel, hag, lid de BDV, un dé a bla el, et, mameuse noite, quand a rentre quand là, vide un tour tant de rare hein voir une ça ne ce que quoi le belzo me zobi de clasquer rien à gneuse hadgred poltre de Robespierre ma serait un peu gwelzi voir gazetten a c'est tu plusieurs ou abgred or masque de ce pen Robespierre puis ou trois dit pen Robespierre avec Zimmer Jonge de comme de Robespierre peut dire Alice me mangose là de Zondin puis Vigé Undin à Niwa Lesenbit Hisnes Lesenbit mais Lesen Robespierre à Gansi je vois Chombe Robespierre à Gorgano et Musbe Clé de Kano Vigé comme je de Bonaparte à Robespierre Bonaparte à Robespierre un réseau à Golder Bonaparte à Robespierre, ne s'gait qu'à ce viseur. Alors, voilà, arrête de, bon, un d'une, il bah, Robespierre à Bonaparte, hein, veltu de, bon, n'y va guette qu'à ce viseur d'un d'une. Hervé Pesvejonge de Robespierre, ne s'bait l'art de pas un higun, mais, urs de l'art au tut, ou ardro quand mille dut, à Gansé, ou à, Mestran, ne se grette, calze, viseur de calze, dit, quoi. Mais, bénéfine, bon, bénéfine, et aïe, grand temps, velni, ou aguette, de réel, hein. Et bien, de tramne, de voir, guillotine, dis, aïe, Alice, hein. Non, il plie, j'ai, or, bingeveg, bénéfine, vétape, grandeur, bingeveg, bon, c'est du, bon, même, bret, on tombe trop, ou arpessonné, vé, or, vro. À Belvégel, voilà, à vas. Trugaré, Eri.